Bonjour, mes frères et sœurs, et nous entreprenons le chapitre 3 ce matin et nous allons voir l'église de Sardes. Notre Père du ciel, c'est devant toi que nous nous courbons encore ce matin pour que tu nous dises ce que tu penses de l'église. L'église qui se dit de toi, qui se dit de ton Fils. Donne-nous la grâce et l'humilité en tant qu'Église d'accepter ce que tu dis de nous. Afin que on te glorifie ainsi, parce que tu dis toujours la vérité. Que ton esprit nous conduise ce matin dans toute la vérité. Amen. Nous avons vu quatre églises. Maintenant, nous sommes à la cinquième. Et nous allons lire tout de suite l'église de Sardes, chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivante et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore une fois, il se présente au verset 1 comme celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Les sept esprits de Dieu, ça veut dire qu'il, c'est lui qui possède, qui a les sept esprits de Dieu. Il les tient, il les garde, il les a en lui. Il a les sept étoiles aussi, mais comme il tient dans sa main droite les sept étoiles, il tient les sept esprits de Dieu aussi. Aucune créature ne peut dire cela. Ici, Jésus parle comme celui qui a les sept esprits de Dieu. Nous, on peut dire qu'on a reçu, l'Esprit de Dieu habite en nous, mais on n'est pas celui qui dirige l'Esprit de Dieu. C'est plutôt l'Esprit de Dieu qui nous dirige. Mais la façon que Jésus parle ici, ce que je peux comprendre, c'est que il agit, il pense avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au verset 6 que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Quand il parle, Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Oh, comment qu'il est important de se rappeler à chaque fois qu'on rouvre la Bible ou qu'on s'assied pour écouter quelqu'un qui nous enseigne. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle. Il dit, je connais tes œuvres. En tout cas, ça fait quelques jours que je médite ce je connais, je sais, je connais. Et ça me fait du bien de savoir que Dieu connaît mon cœur, connaît les cœurs, connaît le cœur de l'Église. Ce n'est pas les analystes de l'Église qui connaissent l'Église, c'est Dieu qui connaît l'Église. C'est pas les dirigeants qui connaissent l'Église, c'est Dieu qui connaît l'Église. Mieux, millions de fois mieux que tous les dirigeants du monde. Si je veux savoir, si je veux connaître le cœur de l'Église, si en tant qu'ancien ou dirigeant dans une Église, je veux connaître l'Église, je dois me réfugier dans ce que Jésus a dit de l'Église. Pas ce que je pense, mais ce que Dieu dit de l'Église. Dis, je te connais, Sarde. Tu penses pour être vivant, mais tu es mort. Pouf! Ça a dû être un choc pour eux. Ça a dû être un choc pour eux. Tu penses que tu es une église vivante, une église du Christ, une église de Dieu? Tu es morte. Il y a beaucoup d'églises dans le monde qui se disent de Christ, mais qui sont mortes. Un jour, je suis allé dans une de elles. J'étais en voyage et j'ai rentré dans une église qui avait le nom Baptiste. Donc, étant Baptiste, je suis allé là et j'ai écouté, j'ai vu. Et si c'était de même à tous les dimanches, moi, je vous dis qu'elle était morte, cette église. Elle n'enseignait plus la vérité au sujet de Jésus. Elle enseignait plutôt la moralité. Faire du bien dans la société, essayer d'être des bonnes personnes, d'être gentil avec nos femmes, nos enfants. C'était toujours de la morale. On ne parlait pas de Jésus. Morte. Ça veut dire que tu n'es pas en relation avec Dieu, tu n'es pas en relation avec l'Esprit de Dieu, tu n'es pas en relation avec celui qui tient les sept étoiles dans sa main. Il dit au verset 2, sois vigilant. Il va dire plus loin dans le verset 3, veille, sois vigilant, veille. Et affermis le reste qui est prêt de mourir. Donc, encore une fois, dans l'Église, il y en a quelques-uns qui sont pas morts, mais ils ne sont pas forts. Ils sont pas forts. Ils sont prêts de mourir. Veille. Il dit, je sais que tu fais beaucoup d'œuvres, mais tes œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. Il n'est pas en train de dire ici, mes frères et sœurs, il n'est pas en train de dire, ton évangélisation, c'est pas correct, là. Ta vie de prière, c'est pas tout à fait correct. Tu pourrais en faire plus. Tu pourrais prier mieux. Oh, ton adoration dimanche matin, tes cultes, là, ça laisse à désirer un petit peu, là. Ta musique, là, t'es peut-être un peu trop rock'n'roll, là. Ton amour pour ta femme et tes enfants, pour ton mari, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Tout ce que je fais en tant que chrétien est imparfait. C'est jamais parfait. Personne ne peut lever la main et dire, moi, ma journée, c'est parfait. Ma semaine, c'était parfait. Non. Tes œuvres ici, ça veut dire que ce que tu crois en moi, c'est que tu penses de moi, comment tu agis. Tes œuvres, je les regarde, là, tes œuvres ne reflètent pas la foi que je t'ai laissée, l'évangile que je t'ai donné, les écritures que je t'ai laissées. Tu ne reflètes pas ce que je crois, moi. Tes œuvres manifestent autre chose que la foi que je t'ai donnée une fois pour toutes. Ça veut dire que tu t'es détourné de la vérité. Tu t'es détourné de moi. Verset 3 dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la. Et repens-toi. C'est pour ça que les œuvres parfaites, là, ça équivaut avec le verset 3. Tu as reçu la vérité. Tu l'as entendu, la parole de Dieu. C'est ça que je veux que tu gardes. Repens-toi de l'avoir abandonné, ce que tu as reçu. Repens-toi d'avoir abandonné ce que tu avais entendu des apôtres. Repens-toi de m'avoir abandonné en abandonnant la parole de Dieu. Je vais venir comme un voleur. Je vais venir comme un voleur. Et je vais te surprendre. Et c'est pas positif ici. C'est négatif. C'est pas qu'il va nous faire le saut pour on va être content de le voir. Non. Non. Le voleur, quand il arrive, on n'est jamais content de les voir arriver dans la maison, les voleurs. Je le répète, frères et sœurs, c'est tellement important les Écritures. tellement important. Vous devez investir votre temps, vous devez investir votre argent, vous devez investir dans des hommes qui sont capables de vous enseigner, de vous aider à garder ce que vous avez entendu et reçu. Et nous qui avons reçu ce mandat de Dieu d'enseigner dans l'Église, nous devons mettre de côté toutes ces bébelles et investir dans les Écritures notre temps pour garder l'Église dans ce qu'on a entendu et reçu depuis 2000 ans. Tout ce qui nous est venu de la part des apôtres, nous devons le garder. Nous devons faire le tri de ce qui vient entre la tradition, ce que les hommes ont dit, ce que les organisations disent, ce que les associations pensent, et de faire le tri là-dedans et de garder seulement ce qui vient de Dieu et le transmettre à l'autre génération. Ce n'est pas mal des traditions, mais ce n'est pas ça qu'il faut transmettre. Nos enfants ne suivront pas, nos enfants spirituels, je veux dire, ne suivront pas toujours. Et des fois, c'est très bien qu'ils ne suivent pas toujours notre façon de faire. Mais sous peine de mort, ils doivent garder ce qu'on va avoir, on va avoir transmis des Écritures. Cependant, tu as Sardes, quelques hommes, ceux qui étaient prêts de mourir, mais qui n'étaient pas encore morts, tu as quelques hommes qui ne sont pas souillés leurs vêtements. Comment est-ce qu'ils pouvaient souiller leurs vêtements? C'est pas en allant coucher avec la femme du voisin, c'est pas ça qui souille les vêtements du croyant. Ce qui souille ici dans le texte, c'est la fausse doctrine. C'est les œuvres qui ne sont pas parfaites. C'est de ne pas retenir la parole de Dieu, de ne pas garder la parole de Dieu. C'est ça qui souille les vêtements. Mais les autres, ils disent, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs. Pourquoi? Ils disent, ils en sont dignes. Qu'est-ce qui les rend dignes? Ce n'est pas l'activité chrétienne qui les rend dignes. C'est qu'ils gardent la parole de Dieu. Oui, ils vont avoir une activité chrétienne. Mais elle doit être en accord avec le fait qu'ils gardent la parole de Dieu, ce qu'ils ont reçu et entendu. Oh, mes frères et sœurs, c'est important qu'on se motive mutuellement là-dedans. Je crois que l'Église moralise trop et n'instruit pas assez. Je l'ai fait, moi aussi, que je m'en veux des fois de l'avoir fait. D'exhorter, d'encourager, de pousser, de motiver les chrétiens à passer à l'action, de faire certaines choses, sans leur donner l'instruction qui vient avant. Parce que si j'ai pas la raison d'être, le pourquoi de faire les choses, c'est une religion. Si je comprends pas le pourquoi. Oh, vous avez entendu déjà dire, oh, même si tu comprends pas, fais-le. Pas d'accord, t'as fait avec ça. Je vais t'aider à comprendre pourquoi. Et quand tu vas l'avoir compris par l'Esprit de Dieu et que ton esprit, ton intelligence a été renouvelée, tu vas le faire plein de joie et de reconnaissance envers Dieu et de louange et d'adoration. L'auteur dit au verset 5, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Il dit, si tu te repens, si tu as la victoire sur cette situation-là, je vais te donner les vêtements blancs. Il y en a qui l'ont déjà, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi déjà en vêtements blancs. Ils vont marcher avec moi. Celui qui va vaincre et qui garde la foi, qui a reçu et qui a entendu et qui la garde, je vais le revêtir d'un vêtement blanc, lui. On le voit au chapitre 7. La grande foule est revêtue de vêtements blancs. Il dit, d'où est-ce qu'ils ont pris leurs vêtements blancs? Et l'ange répond, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Voyez-vous? Il dit, si tu restes attaché à ma parole, je vais te donner un beau vêtement blanc. Je n'effacerai point ton nom du livre de la vie. Si tu as la victoire et que tu gardes ce que tu as reçu et entendu jusqu'à la fin, je te donne un beau vêtement blanc, j'enlève pas ton nom du livre de la vie et je confesserai son nom devant mon Père, devant mes anges. C'est tout ce que je veux, frère et sœur. C'est tout ce que je veux. Quand j'arrive au ciel, dans la présence de Dieu, tout ce que je veux, c'est qu'il mette son bras sur mes épaules et qu'il dise, Père, lui, là, c'est un des miens. Il est digne d'être avec nous ici parce qu'il a gardé ma parole. Il a gardé ce qu'il avait reçu et entendu. Il s'est pas souillé. Il a gardé la parole de Dieu. Il a gardé l'évangile. Il a mis son espérance en moi jusqu'à la fin. Faire ça, le combat de la vie du croyant, ce n'est pas d'essayer de ne pas fumer. Le combat de la vie du croyant, c'est de garder la foi en Jésus. C'est que malgré tout ce qui arrive, malgré toute sa faiblesse, malgré tous les péchés qu'il fait, et malgré toutes les difficultés qu'il voit autour de lui, toutes les persécutions qui viennent, il garde son espérance en Jésus. Jésus, tu es le seul que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est toi. Sans toi, je n'ai rien. J'espère en rien d'autre que toi. Et c'est seulement que toi et rien que toi, rien d'autre que toi, ne peut me rendre capable et digne de servir et d'adorer et de louer mon Dieu. Rien de ce que je peux faire, rien de ce que je peux m'abstenir de faire, ne va jamais me rendre digne de servir et d'adorer mon Dieu. C'est en toi seul que je me confie. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Quand tu rouvres ta Bible et quand tu écoutes la parole de Dieu, cherche pas premièrement ce que tu dois faire, hein, ou ce que tu devrais arrêter de faire. Cherche dans les Écritures une personne, la personne de Dieu en trois personnes. Cherche à connaître le Père, le Fils et l'Esprit. Cherche à comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Avant de vouloir découvrir ce que Dieu te demande de faire, cherche à comprendre ce que lui a fait en toi. Et ça va te pousser à l'adoration et à la louange et au service. Notre Père du ciel, il n'y a seulement que ton esprit qui peut voir le cœur de l'Église comme il a vu celle de Sardes. Il y a seulement aussi ton esprit qui peut convaincre quelqu'un qui pense être croyant, mais qui est mort. C'est seulement que par ton esprit que quelqu'un peut vaincre, avoir la victoire et recevoir de toi la belle robe blanche, qui peut recevoir de toi une confession devant le Père. Que ton esprit agisse dans chacun de ceux qui écoutent cette vidéo. Au nom de Jésus, Amen.